100% rap français, planète rap. La Nocturne. Et c'est parti pour la Nocturne 100% rap français avec l'événement. Il est là pour cette Nocturne, en début de Nocturne, monsieur MHD, comment va? On est là. Je disais l'événement, c'est vrai que c'est l'événement en ce moment. En ce moment ça bouge. En ce moment ça bouge pas mal pour toi. Ça bouge de ouf. Depuis que t'as balancé sur internet tes afro-traps. Ouais. Même si tu rappais déjà depuis un petit moment, MHD. Ouais, ça devait faire au moins 2 ans que je rappe. 2 ans. Ouais. Plutôt basé sur le côté trap. Ouais, plutôt trap. Et le délire afro-trap, il est venu récemment, on va dire au mois d'août. C'est quoi, c'est le fait de pas aller au pays, de te dire tiens, faut que je rajoute une petite partie afro, c'est venu comment? Non, même pas, là-bas c'était pas prévu, c'est parti de rien, c'est de rien on va dire, c'est parti d'une ambiance entre potes, tout ça, après ça a pris de l'ampleur petit à petit. Bon, et le résultat est là. Ouais. Depuis, il y a eu les premières parties de Booba, mm-hmm. Black M, ouais. Un projet qui se prépare. C'est ça, et mon concert qui arrive le 15 avril là, à la Maroquinerie. Et enfin, ton concert le 15 avril, alors ce sera d'abord pour les Parisiens, un concert du côté de la Maroquinerie. Ouais. Et puis une tournée par la suite, non, je suppose qu'il y a plein d'ambitions là d'un seul coup, MHD, non? Ouais, en ce moment là, ça a pas mal bougé là, c'est 2016. Là. T'aurais pu croire qu'il y a encore 6-7 mois que ça allait être. Autant l'effervescence autour de toi ou pas? Non, je pensais pas. Je pensais que 2016, j'allais recommencer en tant que livreur. Hein. C'est vrai que tu disais, je t'ai vu l'autre fois dans le petit journal de Canal où tu disais que t'étais livreur de pizza. Ouais. Et là, c'est fini. Ah, là, c'est fini. Là, c'est fini. Ça a changé. Les pizzas sont loin, là. C'est fini. Là, c'est la musique. Ah, maintenant, je vais livrer que de la musique, là, maintenant. Et bon, on va attaquer cette musique pour ceux aussi qui veulent te découvrir. Donc, les Afro-Trap, pour l'instant, je dis ça, c'est uniquement disponible sur le net. Hein. Ouais, pour l'instant, que sur le net. Il y a le projet qui va arriver, donc ça va être disponible sur toutes les plateformes, iTunes, tout ça. Et bon, on se les fait en pratiquement d'un bloc. Ouais. Allez, c'est parti. Si tu veux les ambiancer comme tu veux, voici les Afro Trap MHD au contrôle. Je me lève à 6h du matin pour avoir des billets green et purple. On passe du marron à la white, change de couleur à la cartel. Autant de service à mon actif que Federer à mon fils ou Novak. La recette du jour est coffrée sous mon parka. J'attends pas qu'on fasse la passe pour marquer des buts. Quand on équipe pas, y'a des gueux chez des putes. Des négros bannis, des suceurs de bites. Je suis pas bricolaire, j'ai les vis de la rue. Tiens Kamadji, Kafushi, les classiques. La hagla, ça pète que si je prends ton liquide. C'est toi contre moi, ramène pas ton équipe. J'ai boycotté la sape, tu me prends d'un fusil. Le Cavida, tout est easy, la peu froid du Maroc. Calibre chromé. Passe un coup de fil, c'est un souci en forêt. Soudé comme Yaya et Colo. Toujours sur l'air raté comme Gérard. Les autorités ne savent pas que j'ai une arme de guerre. Coffré sous mon calbar. Si t'es rougeur, c'est 150. Passe sous le Porsche pour un gros 50. War au dealer que ces bâtards vont parler de gars. Bâtards qui pourront pas me descendre. Je fais les choses carrées. J'arrondis mes fans de moi. Je vais quitter l'hexagone. Si je fais du bénéfice, pas pour payer les impôts. Qui veut de la moula, négro ça fume que la moula. Que la moula. Mais qui veut de la moula, mais négro ne fume que la moula. T'as fumé ma moula, t'as toussé. T'as fumé ma moula, t'as toussé. T'as fumé ma moula, t'as toussé. T'as fumé ma moula, t'as toussé. T'as fumé ma moula, t'as toussé. Qui veut de la moula, enfile ta paire de TN, rase ton crâne comme ma boulaille. Négro me voit la promesse, niquer, dire un qui aimait brûler et mes djoula. J't'ai promis un fils et que j'ai menti. J'ai dit que t'étais bon mais t'es pourri. Frérot t'as même pas les 300 vues sur YouTube. Même si tu fais ton feat avec Jesse. Paris c'est miné de tout part. C'est RGRS 150 tu nous connais. Fuck la 313, fuck la RHA. Fuck la 807, nique la mère aux collègues. J'fais mon oseille, j'y m'en va vite. J'perds des potos car la confiance ça va vite. Salam, j'compte sur personne sauf la famille. Je me filme même on n'est jamais à l'abri. Madabiro ou Osamu. Fais pas ta balance et t'as pas de sous. Tous les week-ends, le casson perd des anneaux. Tu dans ton frigo, y'a du beurre et du bourreau. La concurrence est boutou. Tu vois la vedette, forcément y'a des jaloux. L'enflot, il est trop jamourou. Aucune dégaine comme quand t'as sur un boutou. Ça quitte de la roue jusqu'à Jaurès. Standing gratuit, c'est Cambrai. Bois qui dit là que ces bâtards ne pourront jamais faire de l'ombre à la lumière. Le quartier va signer chez Nikon. Service de moulin en photo. À 9 réseaux, sur le polo. J'ai déjà commencé, on doit terminer le boulot. Qui veut de la moula, négro ça fume que la moula. La moula. Mais qui veut de la moula, la moula. Mais négro ne fume que la moula en forêt. Qui veut de la moula, la moula. Négro ça fume que la moula. La moula. Mais qui veut de la moula, la moula. Mais négro ne fume que la moula en forêt. T'as fumé ma moula, t'as toussé. T'as fumé ma moula, t'as toussé. T'as fumé ma moula, t'as toussé. T'as fumé ma moula, t'as toussé. Shit. sexe est fini. Rap français, planète rap. La nocturne. Ouais, ouais, ouais. C'est l'heure, c'est 50. Maman, c'est le fils de sur ma liste d'attente, frère. Il parle sur moi avec des best friends. Papa. Posé au fond du bar tabac. Garbac, tout négro sous mes confrères. Pour nous, tu sais rien comme arrêter capacite. Comme un veux-tu un visage si tu fais pas chier. Fils de me parle pas de 6.3. J'ai une arme de guerre depuis la tétine. C'est le 19ème mois de bâtard. Pour les costards, on est tous sous le porche dans les quartiers. Fils de, et puis la moula dans les postards. On est sur le rat, t'es pas besoin de gardien. Mon sable, ça aurait des fils que des potes. J't'ai répété et m'acheter, il en reste qu'un. Comme et tout, j'veux des puissants en pot de coco. La concu, dans le rétro. T'as mis quelques barrettes et tu fais 6 gros. MH, dingue, 2015, le retour du réseau. La machine est lancée, active le compte à rebours. J'suis seul dans mon délire, y'a pas de concurrent. C'est ça qui relou. Contra partie 2. DJ Did. T'as fumé ma moula, t'as toussé. MHD en Afrezo. MAFS. Sino, Baden. Coïs. La nocturne. Ma voilà, faut tous les tartés. Des têtes armées. Chez nous, y'a les bravas. Comment sont les fils de pute qui parlent. Mais des lettres. Tous ces enfoirés, je sais qui passe sur moi. Ouais, c'est pas ta m'envie. M'envie. J'ai pas de fiche de pêche, je connais pas mon salaire. Mais je parle des Gucci. Gucci. On m'a dit qu'à fouguette, la concurrence, je vois que des abrutis. Tous là pour le même but. Reste dans le mur, fiston. Et puis fais le move. Fais le move. Laisse ces jaloux. C'est jaloux. Laisse les coups mal à mal, là, c'est pour nous. Et diront MHD, il est relou. En quatre parties, le mec nous a chez coups. LHG va doucement sur vos codeurs. Qui me suit, on se sur Twitter. Ma chérie me presse pas, l'amour est tueur. Il cadigne et c'est ça qui me fait peur. Tous ces enfoirés, chèques qui passent au marron. Ouais, c'est pas ta m'envie. J'ai pas de fiche de pêche, je connais pas mon salaire. Mais je parle des Gucci. On m'a dit qu'à fouguette, la concurrence, je vois que des abrutis. Tous là pour le même but. Reste dans le mur, fiston. Et puis fais le move. Fais le move, fais le move. Fais le move, fais le move. Fais le move, fais le move. Fais le move, fais le move. Fais le move, fais le move. Fais le move, fais le move. Fais le move, fais le move. Fais le move, fais le move. Fais le move, fais le move. Fais le move, fais le move. Fais le move, fais le move. Fais le move, fais le move. Chez nous, c'est la Champions League. C'est nous, c'est la Champions League. Ah ouais. En Afrezo. Mais qui veut la moula? Fais le move. Ouais. À votre partie 7. Pareil 19. Jaurès. C'était en rouge cambré. expliquer, standing gratuit, 10 places de fête ensemble. On reconnaît les bavots, on reconnaît les bâtards qui parlent que par intérêt. Enfoiré, tu penses c'est mes thèmes, après t'es mangé, il est tout terrain. Qui veut la bagarre? Enfuis ta tenue, mon gars, place au combat. On chipote pas, tu payes, j'encaisse. Mon banc est pas cher, il me fait de moi. MHD, ça tu prends les mecs de la hure. Je pense de mon délai, c'est pas si t'as vu. Eh mon ami, c'est bon l'enfant, aïe, t'es bougé ta ville. Marseille, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Nantes, Paris, Valais. Faut que les jaloux, j'y vois ma vie. À 11 ans, je vis ça à 20 ans. Gardier, appétit, parce que par j'ai la moula, je préside. Imbécile, je veux pas loin d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Gardier, appétit. Tout ça n'est qu'éphémère, bois les couilles si je te plais pas. Mais mes pises et mes gars font mes playbacks. Ah ouais. Ça me fait bizarre quand je vois les gens danser sur la moula. Ouais, je mec, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pris du galon depuis la partie 1. Gros, j'ai pas quitté le check, la rue, la vraie. Ah, petit lard, connais pas la propre. On se titulaire et c'est moi qui le brasse. Tu parles, on sait que tu ne brasses pas. Plus cellulaire, gros, la ligne est restreinte. Ngadje, appétit, passe me par, je la moula du Brésil. Imbécile, je veux pas loin d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Ngadje, appétit, ngadje, ngadje, appétit, appétit. Ngadje, appétit, ngadje, appétit, ngadje, ngadje, appétit, appétit. Ngadje, appétit, passe me par, je la moula du Brésil. Imbécile, je veux pas loin d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Ngadje, appétit, ngadje, ngadje, appétit, ngadje, appétit. Ngati abedi, ngati abedi abedi. Ngati abedi, ngati abedi. Let's go on the beat. Ngati abedi abedi. Pa pa pa pa. Ngati abedi, ngati abedi abedi. Ngati abedi, ngati abedi. Ngati. Ngati abedi abedi. C'est la nocturne. C'est 100% rap français et c'est monsieur MHD au contrôle de la nocturne avec nous ce soir. Alors on est parti dans les... Allez, il en manquait un parce que tu vas nous le faire en live tout à l'heure. Hein. Ouais, ouais, ouais. Mais on a mis pour l'instant l'intégralité des Afro Trap. On a mis l'intégralité. Et ouais. Là, il y a le Champions League qui va arriver après en live. J'allais te demander qu'est-ce qui va arriver alors dans les... Est-ce qu'il y aura un nouveau volume d'Afro Trap? Est-ce qu'il y aura une autre sortie, un autre morceau? Là, il va y avoir le dernier de la série, là, la Afro Trap partie 6. Le 6 qui arrive bientôt. Qui va arriver très bientôt, là, on va dire. Là. Et ensuite, il y a le projet qui va arriver. Le projet, le morceau que tu feras en live, c'est leur Champions League aussi. Ah, qui va être dans le projet aussi. Qui va être dans le projet. Et le projet sera quoi? Ce sera que Afro Trap ou tu vas aussi. Non, on va mélanger, il va y avoir des gros morceaux. Il va y avoir de la trap aussi, un peu de trap. Il va y avoir de tout. Il va y avoir plein de choses. On pourra découvrir ça dans les mois qui viennent, en tout cas pour MHD. MHD qui continue aussi ses premières parties. Black M en Afrique hein, aussi actuellement. Donc pour tous ceux qui nous écoutent, vous avez peut-être croisé MHD sur les routes et en première partie de Black M aussi. Rappelle-nous toi un petit peu par contre. Donc toi ton parcours, t'es Paris 19. Ouais, Paris 19. 19e. Côté Colonel Fabien. Côté Colonel Fabien. Le rap, ouais. Il arrive quand toi dans ta vie? À quel moment? Il est arrivé. J'étais encore à l'école. Hein, donc ça veut dire je. C'était un peu dur en fait de partir au studio et d'aller en cours en même temps. Et tu te souviens le premier son toi qui t'a mis une gifle? Tu te dis putain moi je veux rapper aussi. Ah je veux y aller aussi. Le premier son. Enfin ou un ou des premiers sons quoi. Non j'en ai plus le souvenir. En fait moi c'est qui m'a inspiré? Bah c'est mon collectif un peu, c'est un œuf réseau. Tu vois, il y a le plus âgé du groupe, c'est Bams Dream, tu vois. Qui est là aussi, qu'on salue. Il est là, ouais, il est là. Voilà, à la base je les accompagne au studio. Ouais. Et voilà, donc c'est une affaire de potes quoi, c'est. Ouais, ouais, voilà. Là, c'est une histoire, voilà, c'est un peu une histoire de potes. Donc à la base je partais au studio un peu pour les accompagner. Donc on va dire j'ai un peu pris exemple sur eux. Donc après c'est eux, ils m'ont donné l'occasion de poser pour une première fois au studio et j'ai pris l'occasion directement. Il y a du monde dans le collectif? Ouais, on est 5, il y a moi déjà, Mams Dreams, Chino, Badem et Koïs. Bah, va écouter d'ailleurs Tino maintenant si tu veux bien. C'est ça, c'est une sous terre. Une de tes sélections pour cette nocturne. Tino dans la nocturne, c'est MHD qui a pris le contrôle maintenant. C'est parti sur Skyrock. Écoutez, c'est de la kick pour regarder une vidéo 420, espèce de fils de pute. Un poteau sort, un poteau rentre. Plus de changements que dans un match amical. J'écoute vos sommores, je brûle une peau d'orange. Dépasse les rappeurs du même match qu'Abidal. Je pense à Bala de l'autre côté de la tête porte. Je pense à Bilal, à Biro, à Amsou, à Sawyer, à Samou, à Chamo, à Ibu qui cache toucher les ports. Elle vous dit dans refou, bien sûr qu'on est maigra. Ça pue l'enfer, pas le jardin d'Eden. Des max intégral, gros, y'a rien à tes gras. Au pire, si t'es un schlag, t'auras toujours des veines. J'ai la côte de porc la plus remplie de cochon. Cochon. Cochon. Même si tu pries pas, t'as qu'à faire le lama. On trace pas en équipe, tu finis le front au sol, mourou. Que Dieu me pardonne d'être un bad boy de bouillasse sous alcool. Sommes-nous compatibles? Évidemment, j'ai suffisamment de sperme pour que nous deux s'accolent. Sale con. Je te baisse, puis je baisse ta copine. J'ai pas la première à qui je dis je t'aime pour sa chatte. J'suis en bas du bloc, pas du building. Sache que les coups s'achètent pas quand les mœurs s'achètent. T'as des élos grosse équipe, tu vas crosser qui? J'suis pas ton mec, t'es un peu trop possessif. On n'est pas des perdants, on lâche pas le steak. Même au mitard, ça me s'accroche et positif. T'as rendu à la coquine, capuche Prada jogging. T'aurais fait une nicotine, t'aurais fait une nicotine. Interpellé sans mobile, mini bigot dans l'huître, charge le bar à mobile. T'avales des salades, on voit la tise au goulot. On se pavane sur Paname, bénéfice dans le ciboulot. J'voulais pas te faire mal, j'pèse comme un Doberman. Mais j'reste dans tes annales, en mode whip et pull up. Même si je rappe cru, j'sais qu'ils suivent mon actu. Mais dans le game, la coquille ne peut me follow. Faut que le bac plus, j'suis pété sous ma tube. Baisse la vie du bras, bus augmente la solo. Ça, soit qu'une entre poteau pour du bif. On dirait des homos, vendent de longs riffs. Ça évitera les gros mots dans le calcif. Y'a des couilles du popo, aller-retour en Belgique. Tout le monde met du coco, verse des larmes de croco. Yoko roule un choco, rodéo en moto. Poteau parti trop tôt, la beuvre est locale, mais le seum est loco. On est les best, rayons les baisses. On bicrave des douces et dégrade des 16. On bouillave des foufs et qu'éclate des fesses. Je suis à bout de souffle, ils sont dans les F. On est les best, rayons les baisses. On bicrave des douces et dégrade des 16. On bouillave des foufs et qu'éclate des fesses. Je suis à bout de souffle, ils sont dans le yard que je tape dans la blanche. T'élèves touche le mien, j'ai gagné la manche. Giro Rodéon, on se croirait dans un ranch. Pas de Roméo, que du sperme en avalanche. Elle veut pas se mouiller, elle porte des strings étanches. Elle est peut-être prise, mais elle rêve que je la branche. Sur ma remée, je perds des potes, les gens changent. 2-3 tas spéciales me plaisent, plus j'en change. Ici, c'est l'enfer, aujourd'hui je roule en fer, je fais mon bénéfice, j'ai pas peur qu'on m'enferme. On a des couilles, des bravas, on s'en sert. Passage à la fouille, Zoulou brave et sincère. Dernière paire de free run, la belle veut je sirote. J'ai les mains sales, j'ai lave avec le sirop. 3 cagoules, 3 meurs, un pilote. Ça veut cuisiner, savoir ce que tu mijotes. Ça veut cuisiner, savoir ce que tu mijotes. Ouais, mais tu sauras rien. Walou nada. Pas de concu, que des bombés qu'on va ravaler. Fusil à lunettes, Prada. En plein hiver, on est coffré dans le boîte. Des pilons qui s'éclatent, y'a des coins de peu air. Afflique sur une civière, ouais, poteau tape en 4. Sors les champs et le jack, bonne vie, c'est plus. Fils de fils, malin comme Béné. Bénéfice dans le bis de shit. Actrice de X, rap game de BD. Son boulet tellement cool, j'ai peur qu'elle brise le chibre. T'as trouvé la bonne? Ça a été gaze. Tu l'as pas déviergé, vous l'avez juste fait pendant qu'elle avait ses règles. Ouais, gros, j'ai la vingtaine. Je me branle quand j'écris des côtés. Je leur tape dans l'œil, elles font que de me jeter. Le rap en deuil, mon gros c'est la reggae. Ouais, demande un petit dé, ouais. Pas tout loup fragile. On aurait plus qu'après un coup d'extinct. Glock, boubou, tagine. Le bis sous extra. C'est pas pour nada, c'est mon crew destin. Zoulou, pas ton boulot à toi. Book Zella. Appella. Omzo est là. Carlos est là. Manadja est là. Rap 100% explicit lyrics. La zone, la zone. Prix Jaurès sous. Parce qu'il a arrêté le rap. Jaurès sous. Nadje s'est boosté. Nadje s'est boosté. Je suis pas un médecin, je t'ai donné ta douce pourtant je suis pas médecin. Pas seul, pas entouré que de mecs bien. Par la loi Natché, on est plus serein. Y'a plus de conditions, c'est tout sur un. Ce qu'on a de rappeur parce qu'il est sur un. 32 plus grand, j'ai l'air ou de surhomme. Car il viscère et l'alcool il sirop. Pourtant j'ai teasé, mais ta baby crap. Guetté volé, baiser des grands chagas. J'espère que tu auras pitié de mon âme. Toi t'as pris la grosse tête pour tes balanciaga. Natché s'est boosté, si tu balanciadras. Dans les plans, c'est de la première et du contrat. Touche à la mif, enfant de trappe. Sache qu'à part un des jours, tu les contrats. On n'est pas au complet, l'équipage a un trou. Des de la zone saute aujourd'hui au trou. Une pensée au frôlo, y'a yo ismo ous. Devise la débrouille, il leur fallait des ous. MC t'abandonne, il te fallait des ous. Ici c'est le zoo, la zone est stébou. 2h du match, j'écris sans être ébou. Des photos veulent ma chute, mais bon je reste debout. T'as ce qu'on joue à zoo. Sans me faire gris, j'écris ma lettre, j'envoie un petit yébi. Y'a yo m'appelle, devait le pointer, me dit. T'inquiète, c'est facile, moi j'attends ma sortie. J'suis bon des mauvais, le mauvais des bons. Les péchés s'augmentent, nous prions mais bon. On s'est loin des anges, ça passe des démons. En sachant qu'on va quitter ce deux mondes. Alhamdoulilah, je ne vis pas grâce à la drogue. Moi j'ai un taf et je vais à l'école. Par contre il m'arrive de faire quelques bricoles. Tu t'ambiances, y'a picole, look qui picole. Tu peux comme pas frère et ta jambe est piquée. T'as ce que sur toi, on m'a raconté. Et quand je m'en pète, moi je veux savoir qui c'est. Peut-être que je serai sur le trône, qui sait. Possible qu'on voit la bourgeoisie qui sneak. Police, raciste, pour moi c'est kiff kiff. Bref, je suis dans le pointard, lui les roule à grosse plie. Tu vois mieux que moi, les gros tatisés. Pointe sur la tête, c'est si tu veux me viser. Nadie, j'ai viscère, les vis, lâche tes vis qui tu piques pour du vis. Les moi je trouve ça Serbie. Serbie. Tu me veux la guerre, faut que ta team tu la trouves. Nadie c'est boosté, Nadie c'est boosté. Y'a la religion, sinon j'aurais fait des trous. Nadie c'est boosté, Nadie c'est boosté. Faut pas que je dérape, les jaloux sont à mes trousses. Boosté le bras, je reste à la mentale. J'oublie pas les miens, free, je reste zou. Papa, free, je reste zou. Ismo, free, je reste zou. JM, free, je reste zou. Yayo, free, je reste zou. Le Z, free, je reste zou. Chicho, free, je reste zou. Trikez, free, je reste zou. Aldo, free, je reste zou. Free, je reste zou. Qu'est-ce qu'on a rafale? L'authentique du récien, mon pompé. Free, je reste zou. C'est la Nocturne, c'est MHD au contrôle de la Nocturne. Et le morceau qu'on écoutait à l'instant, Tasco, hein, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, c'est Tasco, c'est un petit du quartier. Il est très très très bon. Il est bon, hein? Ouais, il va arriver de toute patate le sur 2016, là, vous inquiétez pas. 2016, ça sera l'année du 19e. 19e. Voilà, avec toi à l'instant, MHD au contrôle de la Nocturne. Avant de passer au live, d'ici quelques minutes, on va finir avec quelques morceaux justement bah, des gens qui t'entourent, des gens que t'aimes bien. C'est ça. On repart sur quoi? 20e scene. C'est le groupe, bah, y a mon petit frère dedans. Aïe, Issou. Et c'est un groupe 20e scene. Y a I2S, Toshi et Yax. Un groupe très très lourd aussi du 20e arrondissement. Et bon, on les découvre, vous réagissez aussi avec le hashtag MHD dans la Nocturne sur Skyrock. On est assez de qui régale, comme la frappe lyricale. Bang, bang, enfilez toujours, gilet par balle. Bang, bang, on vient de Paname, nous cherche pas, donc va pas faire le football. Train, rafraîchis, pas vas-y, cava, bang, bang. Arrêtez, nous coupons à des MC qui font trop de mal. Dans des games, on est barré, mais sans faire de mal. Avec ces films, tu nous connais quand t'as kick. C'est là, et la prod est terminée dans le rap. Je le lâche pas, c'est pas de me stopper, abandonne avant que ça trop tard. Puis je passe mon temps au studio, mais 7-5-0-20, c'est mon milieu. Venir nous tester, mais c'est périlleux. Non, non, tu n'es même pas sérieux. On se balie coup de ce que tu penses de nous. Nous, ce qu'on veut, c'est faire des sous. Alors du reste, nous, on s'en fout. On s'en fout. On se balie coup de tout. Tout ce qu'on veut nous c'est faire des sous. Faire des sons lourds. Tous se choquer jusqu'à tout se les foutre à bout. Les gros dis-moi c'est quoi les bails. Devant le mic je m'enjaille. C'est mal l'équipe pour qui que sale. Il me reste une dernière mesure avant que je taille vite de hal. Donc je vous dis bye bye. Pendant qu'on chiste et qu'on va pis. C'était mon équipe mais qui est chiche. Il est Zest, Yax. On se raconte à l'histoire de Miss 20ème scene. Pour le tu consacrer au Belleville sport. Ouais, ma gueule, ça mérite des gifs. Ça mérite des gifs. Ça mérite des gifs. Ça mérite des gifs. Ça mérite des gifs. Ça mérite des gifs. Ça mérite des gifs. Ça mérite des gifs. Ça mérite des gifs. Ça mérite des gifs. Ça prend des gifs, ça fait what. On arrive à monter les watts. Ça fait que de parler, t'inquiète, on est parrain. Négro, face à nous, tu peux faire what. Ça veut du 7 et du 5 et du 20. Du 7 et du 5 et du 20. Belle et moi ne fais pas le malin. Mais négro, va sortir le machin. Faut que les mains font du bif, gros, les putains, les bifs. Faut que les cafons du shit, on te bif pour du bif, gros, ça bif pour du bif. Écoute, mon soutien qui suis venu faire la diff. Négro, tu fais l'équipe. Négro, tu fais l'équipe. Toute façon, moi, ça nous lance des pics. T'inquiète, mon gars, c'est VS musique. Sors le Destra, c'est sûr qu'il panique. Prima, Vera, Primo, tu verras. Qui vivra, verra. Ma lancée dans le pleura. M'arrêter, qui pourra m'égaler, qui pourra. C'est rapport tout pourri. Franchement, ça me fait galerie. Paris, c'est sur nous qui parie. Et mon poteau crari en face, c'est ce que tu dis. Mais tu me l'amuses comme une passe de maths, tu dis. Pas tu dis. Pendant qu'on chiste, t'es comme un piche. Testez mon équipe, mais qui est chiche. On s'abonde ça à l'histoire de Miss. Au lieu de se consacrer au shit. Bah ouais, ma gueule, ça mérite des gifs. Ça mérite des gifs. Ça mérite des gifs. Ça mérite des gifs. Ça mérite des gifs. Ça mérite des gifs. Ça mérite des gifs, ça mérite des gifs, ça mérite des gifs. sait qui est qui, donc on sait qui fait quoi. Pas besoin de parler, on sait qui est là quand y'a drap. Les vrais potes sont les comptés sur mes doigts. Je suis avec des vegas, y'a pas de l'absa. Je suis de zéro, tu connais mon gars. La mala, y'a pas ça chez moi. Ça fait du buff, on crie pas sur tous les toits. Les bolos, ça cuit ça chez vous. Regarde mes charros dans la tour. Si tu t'es fait sac, ma c'est que ma clé déboule. Si tu veux de l'argent, tout passe dans les cartons. Y'a de la bonne à taper, demande de grand du four. Je cache de deux têtes, demande à ça là mon gars. Ça vient de Belleville, tout demande à mes gars. Si je fais du sale, c'est que j'ai un chuge, j'ai ta base pour te j'écarte tes cuisses, tout comme Clara Morgan. Il est plein, mais t'as rien de tout slip. J'envoie la coquille pendant qu'on tue la vie. Depuis que je perds les meufs de 20 parties, je veux que la coquille chez rappeur. On rose babine à 10 contre 20, reste à 30 dedans. Si c'est avec la bouche, mais sans mettre les dents. Je suis avec mes gars, te bois que des charros. Parle de mes gars, pas à Belleville, mon tarot. Testez mon équipe, mais qui est chiche. On s'affronte à l'histoire de Miss 20ème sim. Pour le tube consacré au cible. 20ème Belleville Rupien. Ça mérite des chiffres. Ça mérite des chiffres. Ça mérite des chiffres. Ça mérite des chiffres. Ça mérite des chiffres. Ça mérite des chiffres. Ça mérite des chiffres, ça mérite des chiffres, ça mérite des chiffres. Des carats au gros militant, du coup pas de blair ni on le tabasse. Les films à catégorie sur la vie de mamie, c'est des pires tomis, ils ont rien commis. Tâche, la masse, ça y'a plus d'un speed. Quand faut kicker, y'a pas de chichi. Big up au gavale, escroc chichi. T'adore Wari, mais Wari t'attends pas. Vas-y, arrête de nerf, c'est pas bibi. Trop de mini, qu'avait j'ai Nicolas. Trop de vas se caser depuis que j'ai du chiffre. Donc t'es armé dans tout tes peuples. J't'assure que c'est sûr qu'il n'y a pas un carré. Je m'en sors malgré que j'arrête ta bibi. Gucci Fendi sur la tête. Nique sa mère, j'relasse plus mes dettes. Fais ce que tu veux, fais ce que tu peux. T'as qu'à mettre une prime sur ma tête. Je me sauve pas, je me cache pas. Toujours dans le tour, je barre comme les decks. Gros bec, gros bec. Mais ce qu'elle a, c'est qui va avec. Ta snake, ta snake. C'est clair et net, prouve à la wet. 9 milli, gros yébi. Avec mon équipe, le sommet c'est dirty. J't'aurais fini une fois que t'entendras le cric. J't'aurais fini une fois que t'entendras le cric. Pendant qu'on t'es comme un piche piche. Testez mon équipe, mais qui est chiche. On s'abonde ça à l'histoire de Miss. Pour le tube consacré au chiffre, bah ouais ma gueule, ça mérite des gifs, ça mérite des gifs. Ça mérite des gifs. Ça mérite des gifs. Ça mérite des gifs. Ça mérite des gifs. Ça mérite des gifs. Ça mérite des gifs. Ça mérite des gifs. 100% rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. DSP mon gars sur Stalingrad 8-10 en ensemble. Le week-end je bois du champagne. On boit du champagne. Le week-end je bois du champagne. On boit du champagne. Le week-end je bois du champagne. On boit du champagne. Le week-end je bois du champagne. On boit du champagne. La semaine j'ai trop travaillé. Le week-end il faut s'amuser. J'ai des billes à dépenser. Bouteille de champagne à volonté. J'ai des gandjus sur l'allée. Et sur l'allée. Panama sans les billets. On est là pour s'enjailler. Les gros venins coco. On est là pour s'enjailler. Où sont les champagnes? Où sont les champagnes? Bouteille de champagne. Où sont les champagnes? Et le week-end, je bois du champagne. On boit du champagne. Le week-end, je bois du champagne. On boit du champagne. Le week-end, je bois du champagne. On boit du champagne. Le week-end, je bois du champagne. On boit du champagne. Le week-end est fini, j'ai attrapé mon colis, j'ai la boule noyée. Le champagne me travaille, le champagne m'ambiance, je suis calé. Tout le monde est viré. Faut te comporter. Le champagne, le travail, le champagne, m'ambiance, je suis calé. Je suis calé. Paris, Bamako, Abidjan, Ouagadougou, on est calé. Le champagne, le travail, le champagne, m'ambiance, je suis calé. D'esprit. Où sont les champagnes? Sortez les champagnes. Sortez les champagnes. Défoule les champagnes. Sortez les champagnes. Et le week-end, je bois du champagne. On boit du champagne. Le week-end. On boit du champagne, le week-end, je bois du champagne. On boit du champagne, le week-end, je bois du champagne. On boit du champagne. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la champagne à bobo. Sans hésiter, les pieds dans les champs. Écoute le bon. c'est la fête. Tous les gars du champagne à Rogo. Aujourd'hui à la joie, tout le monde est au rendez-vous. Et le week-end, je bois du champagne. On boit du champagne. Le week-end, je bois du champagne. On boit du champagne. Le week-end, je bois du champagne. Ouais, ouais. T'as une gratte de 10 d'espèce ensemble, mon gars. Bois du champagne. A Sopro Delgado, c'est la famille. A Sopro Delgado, ah, c'est la famille. Ah, mon ami, tu fais quoi? Viens voir, champagne, je prends. Ma chérie, tu fais quoi là? Viens voir, le champagne, je prends. Je bois du champagne, on boit du champagne. Le week-end, je bois du champagne, on boit du champagne. Le week-end, je bois du champagne, on boit du champagne. Le week-end, je bois du champagne, on boit du champagne. C'est la Nocturne, 100% rap français avec MHD au contrôle de la Nocturne. Ouais, ouais, ouais, on est là. Et avec Despe Delgado qu'on écoutait, hein, c'est ça? C'est ça. Le morceau Champagne, hein, le week-end je bois du champagne. Champagne, vous pouvez le voir sur YouTube, toujours disponible. MHD, est-ce que tu es prêt pour un peu de live maintenant? On est prêt, on est prêt. Est-ce qu'on peut attaquer le live maintenant? Ouais. C'est parti? Ouais, c'est parti. Allez, coup d'envoi du live. Nams. ZZ Zulu. Hein? Le réseau, hein? Le réseau, ça restera les mêmes. Le flow vient du Mali, c'est faux que tu le t'aimes. Que t'aimes ou que t'aimes pas, je te dis à 10 séries. Pas la critique, matin, pas faut taffer comme ta foi. Hein? Dis-leur, Guil et ta fiole ont déjà foutu le camp. T'es-tu comme Santa, tu payes pas l'addition. Rappe-toi comme que eux, les faibles sont la quenelle. Mets du plan dans l'LRS, on va voler. Je veux le cabriolet, l'industrie, je vais violer. Je veux voir du violet, je suis violent sur violon. Je vais te fermer le clapet, des claques, tu restes mignon. T'es KS qui a fait du game, donc laisse béton. Dis pas ce que t'as pas fait, c'est pas vrai, lâche l'affaire. On dit que t'es une taupe. J'serai jamais ton ami. Faut qu'on vous bannit, la cité t'en colère. Tiens, examen, ça sautera ton salaire. Lourd à encaisser, même si t'es obèse. Bouge-moi la tête, rodave comme il l'aise. Pour ceux qui ont chuté, tu bats tes parapluies. Rassure pour ta vie, t'as jamais dealé. Dis pas que t'es leader, ce que t'aimes, c'est parler. On devient pas, tu l'as ou tu l'as pas. Mais pas dans les fers, ça, son but, c'est aïe pas. 7-5, le réseau, ça te moque si t'aimes pas. Gava, c'est Demba, Belek, Obimbo, ils ont les keufs dans le string. Tout ce monde veut se la foutre pour quelques yébés. Tu prends pas la tête, les gars. Vite à vie, chacun ses envies. Fuck ceux qui t'en veulent, frère. Hein? Mets-toi sur tes côtes, on a trop raconté. Je vais croquer les comptes et les billets, je vais compter. Marre de vous botter, ça kick à vous bloquer. La concu, c'est comment je suis pas pas d'en coûter. J'rappe pour m'amuser, ça kiffe et sans souci. Les suceurs, je m'en méfie. Pareil comme code pénal, je suis ça à couler. Enfin. Hein? Je veux plus de bénéfices que le mois de décembre. Passe ton flingue si tu veux pas le descendre. Ça parle en basse, passionné, y'a plus de descente. Le cutter à la barre pour les petites salopes. Le MHD, il en reste qu'un. Les bips m'appellent la ligne RS30. La puce tourne plus que tes putains. 4K2 à toi, 4 potes, j'ai mon butin. Chérie, laisse-moi faire. Non, j'ai pas besoin de ton aide. Aime, tu me pompes l'air. Allez, nique ta mère. Faut qu'on les laisse par terre. Tu pars sur le réseau, mais t'inquiète la gueule. J'fais ce que j'dis. Je vous baisse tous ces chars dans le mail. Oui, on parle peu frère, on agit. Petit range ton gueule la vie. Gros calibre, chromé sous mon lit. Je rêve de liasse et de bastos de 2-4. C'est l'indicatif. J'en place une pour mes cassos. Wesh chambre. Tu butes par moi, tu me dis voilà je te bute. Un pote qui parle derrière ton dos, voilà c'est un fils de pute. J'ai dit que t'as mal dans poche, t'as pas de seum. M'approche pas, fils de pute, t'as le seum. Je suis convoité par des petits bâtards. Parlez pas de concurrence, ils sont archi chums. 7-5-0-19. T'as qui n'a pas l'habitude de m'écouter, voilà de la peuf. Ouais, tiens de la peuf, prends ce concert. J'y pote pas, négro, barre tes seuf. Tous les gavins sont postés. Toujours équipé dans le bendo. Les Yankees sont vissards dans le bendo. Pendant que ta tita se pèse sous pédo. C'est le réseau ma gueule. Un après-zo, Tino, Mams, Badem, Coïs, Coïs, MHD, Ré. Comme jamais, le point pour ti. Pa pa pa pa. Le point pour ti. Ça parle pour allez là, ça parle pour qui? Ouais ouais. Pa pa pa pa. comme Moulette Ben Panam. Intouchable comme Verratti ou Mota. J'suis sur le rinté, t'es sur le banc de touche. Afro trap a marqué donc ça coule ma gros. File mon chèque, on m'a donné la surface, j'connais plus l'échec. J'connais plus l'échec. Toujours titulaire comme Keita Sheik. Pa pa pa pa. Les négros hors demande. Passe à coup de fil, y'a de la peufra sur commande. Tu me passes sur les réseaux, tu t'es mal écrit. Tu dis que c'est la merde, passe voir que je te démontre, frère. J'suis toujours en apnée. C'est bâtard, j'ai 100 pas. Tu te butes à la Yuka. On se bute à la peuf, c'est la Champions League. 7-5, c'est la Champions League. 9-1, c'est la Champions League. Pa, pa, pa. 9-2, c'est la Champions League. 9-3, c'est la Champions League. Pa, pa, pa, pa. 9-4, c'est la Champions League. 9-5, c'est la Champions League. Pa, pa, pa, pa. 7-7, c'est la Champions League. 7-8, c'est la Champions League. C'est la Champions League. Panam, c'est la Champions League. Fuck si t'es pas de ma team. Panam, c'est la Champions League. On pèse tout en Champions League. Panam c'est la Champions League. Fuck si t'es pas de ma team. Pa pa pa pa. On pèse lui en Champions League. Panam c'est la Champions League. Les gars va m'ont dit bombarde-les. C'est PD s'approche, faut semblant de m'ignorer. Retrouve-moi sur le corner rue des chevrons négro. À part ta lumière tu vas rien allumer. Un gun dans la main, mais qu'est-ce tu vas faire. C'est pète d'avoir les couilles vides et à 9 mm. Trop chic, on t'a pas dit que l'élève t'es passé par le maître. Amuse-toi à droite, amuse-toi à gauche. Tout le quartier croit qu'il est riche. Versace par là, Gucci par là. La malade au frigo est vide. Pas ta main de mon épaule si t'es pas de mon équipe. Le téléphone ça fait pas rester tranquille. Allô. L'atmosphère est tendue comme une transac de kick. 7-5 c'est la Champions League. 9-1 c'est la Champions League. 9-2 c'est la Champions League. 9-3 c'est la Champions League. 9-4 c'est la Champions League. 9-5 c'est la Champions League. 7-7 c'est la Champions League. 7-8 c'est la Champions League. C'est la Champions League. Panam c'est la Champions League. Fuck si t'es pas de ma team. Panam c'est la Champions League. On pèse tout en Champions League. Panam c'est la Champions League. Fuck si t'es pas de ma team. On pèse tout en Champions League. Panam c'est la Champions League. 7-0. Merci MHD en tout cas. Merci à vous. Pour cette session dans la nocturne, il y avait Champions League à l'instant. Ouais, c'est ça. Girondins de Bordeaux, ils sont en Champions League, rappelle-moi. Non, pas encore. Pas encore. T'inquiète pas que ça arrive. Mon pauvre, j'ai pensé à toi quand t'as sorti ça au petit journal. Je non, me suis dit. T'inquiète pas que ça arrive, ça arrive. Pour ça un arrive. Parisien supporter. Mais c'est bien, t'as représenté les couleurs, c'est bien, c'est important. Il non, est obligé de toute façon. Ça change pas. Bon, merci en tout cas d'être passé. Donc on rappelle, le 15 avril, c'est les maroquineries. Le 15 avril, la maroquinerie. Les billets sont toujours disponibles à la comme Fnac. Jamais. Et à la mixtape du poteau du collectif ANF Réseau. La zone interdite volume 3 qui va arriver. Volume 3 qui va arriver dans pas longtemps. Ouais. Qui va mettre encore une grosse gifle. Donc, donc 2016, ça appartient vraiment au 19e. Ouais. 19e pour l'année 2016. Ouais. C'est ça. Donc on attend ça. Et puis toi aussi, donc, ton projet qui sortira là dans les mois à venir. C'est ça, ça arrive très très loin. Le Afro Trap 6, faut attendre encore un petit peu. Il va pas tarder. Il va pas tarder, ça va faire l'effet d'une surprise. Je vais pas l'annoncer. Je vais publier directement sur les réseaux. Et bah, je te souhaite une bonne route, en tout cas, longue route à toi, MHD. Merci à vous. Merci d'être passé par la nocturne. Merci à toute l'équipe qui était là aussi avec toi à tes côtés. Ouais. Au collectif là-bas dans le 19e et à tous les autres. Merci d'avoir commencé cette nocturne avec nous. Une nocturne qui continue maintenant. Ciao. Planète rap. 100% rap français. Et ça continue pour le son de la nocturne. 100% rap français après MHD. Le XV Barbare et tout est bon. Maintenant. JPS ou LS, tu partir toi tu fumes tout le BNF. Nerveux comment c'est RS, t'es fait danser pour Naref. XVBB dans ta soirée branchée, la faute accrochée, voici le danger. Ça blesse et ça blesse dans les tranchées. Bella s'est penché, on suit le déhanché. Tu bouteilles sur la bouta, je verse tout, non je bois pas. Libéré bloca, et tout est bon. Champion de l'année, avec nous ça blesse. OVIP carré, c'est toujours correct. Ta pédo, y'a ta go dans ma gauve. Elle a changé de déco, elle a le détecteur de l'eau. Tout est bon,

son lit. Elle couche dans la soie. Dans le bail, dans tout. Oui, Tony Montana te fait. Vol pélican. Négro. Négro. La Nocturne, Lacrime, SCH, Tony dans La Nocturne, DJ Core, production. Et Core qui débarque dès lundi 20h-21h toute la semaine à découvrir dans Planète Rap les nouveaux projets. La bande-son du film Pattaya, c'est dès lundi sur Skyrock. Alonso à écouter tout de suite, Lapso aussi qui se prépare avec Sadek. 100% rap français. 100% explicit lyrics. La Nocturne. C'est le capo des capis, mami. C'est la roulette russe du rap français. Écoute, yeah. Akrapovitch dans la gorge, fuck le 666, 1, 2, test. Que serait 2016 sans le massacre, la Saint-Sylvestre? J'suis le best, ta sœur le sait, wallah, il se mord les lèvres. Join-be, quand je rappe, j'exauce tes rêves. J'arrive plus à dormir, je contre-alice. J'prends du poids, les games est jaloux, j'surveille plus ma ligne. Bois de la cristalline, je bois du cristal in. Je taquine à bibine et quand j'rime, tu rembobines. J'vais visiter maman, ces putes me fouillent. Personne n'est en règle, les CRS nous casse les couilles. La journée on dort, la nuit qui nous tient tête. Frappe de gilas, crampon à barrette. On a gagné plus 7, sec, mon swag est net. Je suis en full HD, je suis chez Yves Saint Lolo. Je crois que je vais tout acheter. Oh lolo, tu me portes l'œil, tu veux me s'houler. Tu n'as pas percé, continue, coule en petite foulée. Moi je t'aimerais à un moment donné. Tu dis partout que t'es déter, mais tu vas t'arrêter. Aïe Hornet, sur la A7, mes ins seront de la fête. Il en restera qu'une enquête. Je me repose à Phuket, quand je veux j'explose le net. Je distribue les doses, toi quand t'hésites, moi j'ose. Conseil, reste à la casse. Tu veux fit, t'es qui toi? Je te bois comme Shorba, je suis Liga, TPH. Je te habite, t'es les achats. Ton quartier ne te porte pas. Écoute papa, passe ton bafa. Si t'as mal à la gorge, ce n'est pas les amygdales. C'est mes boules, je suis propre. Mais quand j'arrive en showcase, plein de full cash. Mr. Cash, Guinomo, L-O-N-Z-O, Aloncito, pape. C'est le capo des capi, mame. Vrai, vrai, vrai, vrai, Phuket. Dédicace à toutes tes chaussettes. Dealer. Ok. Rap français. 100% explicit lyrics. La Nocturne. Yo. Lapso Laps. Pattaya, Pattaya, follow. Yo. Yo. FDLRC, frère. Remix. How I go. Go. Je tire dessus gratuitement. Je le fais pour mon follow. Tu achètes la même montre que moi, parce que c'est mon frollo. Il conduit toutes mes voitures. Mon frollo, mon frollo. Il a raté aucun parlu sur 4 piges. Je le kiffe, c'est mon frollo. Mon frollo, mon frollo. Mon frollo, mon frollo. Mon frollo, mon frollo. Mon frollo, mon frollo. En direct de Pattaya, j'ai tout niqué, j'ai plus d'oseille. Mes frôles, je veux refaire la guerre, les monter jusqu'au ciel. On fait la pub pour les frôles, tu seras toujours bien viscère. Ils sont bien sapés, incrustés même dans le désert. Fonctionnaire, fonctionnaire, fonctionnaire, fonctionnaire. Actionnaire, actionnaire, avec les frôles on sait le faire. Je suis comme les frôles là, on donne que des carrés d'as. Pas comme tes copains qui vont s'allumer pour une tasse. Je tire dessus gratuitement. Je le fais pour mon frôlo. Je lui achète la même montre que moi. Parce que c'est mon frôlo. Il conduit toutes mes voitures. Mon frollo, mon frollo. Il a raté aucun parlu sur 4 piges. Je le kiffe, c'est mon frollo. On est en I, ils sont en ITT. en reste quand j'étais à pied. Quand y'avait pas le faire, l'île de Giuseppe. On l'a fait, on l'a fait. Là c'est Laurent Blanc, la rue c'est le PSG. Grosse équipe, faudra plusieurs bolides. Dis à tes copines qu'est-ce qui vaut tes lots. Là y'a on y est, on y est. Mon follow, mes frères, on y est. On y est, on y est. Mon follow, mes frères, on y est. Y'a Walker dans mon Johnny Hallyday. J'sors de tôle, j'vends de la drogue, j'suis refait. Yeah, j'ai perdu du temps, mon frelo, j'ai rattrapé. Ha, ha, mon frelo, on y est. Mon frelo, mon frelo. Mon frelo, mon frelo. Mon frelo, mon frère. Mon frelo, mon frelo. Ce que tu dis, j'm'en tape. Elle s'assoit sur ma bite, aussi sur celle de mon frelo. Ma fac, on t'nique. Normal, je l'ai rodé toute la nuit dans la ville avec des tasses dans ma caisse. C'est mon frelon, frelon, frelon, frelon, frelon. T'as voulu me serrer la main, je l'ai gardé dans ma poche. C'est la paysan, mes frelons, frelon, frelon, frelon, frelon. Ton corps dans un coffre et le chauffeur et mon frel, et mon frel. Bataille, ouais, mon frère, on tire sur les gagaillards. Parce qu'on est pas costaud et qu'on prend pas la wale. Sera jamais assez riche, moi et mes frelons, on a la dalle. Je vais chercher l'argent là où il est, la vie à l'absolu. Je vais chercher l'argent là où il est, la vie à l'absolu. Vite mon gueule que tu finis dans le cendrier. Y'a FDLRC, mon frelo t'as pas idée. Sur ma vie un million de fois que vous allez me le payer. Y'a en millions d'euros que vous allez me le payer. Mon frelo, montre-leur comment on fait. Y'a la méthode à l'abs, allez, je veux vers costard violet. Balle dans ta tête pour mes frangos, balle dans ta tête pour mes frangos. John Doe, incognito, shoot bang headshot. J'avais un doute là, j'en ai plus. Un 45 comme antidote et j'ai la réponse du rébut. Goûte ta malolipa. À ma hookah, vas-y fume, allez fume sur ma hookah. Laps au fucking laps, c'est de la bomba. Allez fume sur ma slap. Je tire dessus gratuitement, je le fais pour mon frelo. Je lui achète la même montre que moi, parce que c'est mon frelo. Il conduit toutes mes voitures, mon frelo, mon frelo. Il a raté aucun parlu sur 4 piges, je le kiffe, c'est mon frelo. Cette planète la nocturne. J'espère que tu as reconnu la machine. 2016, je suis chaud, je les achève. Je me mélange pas, qu'est-ce que tu t'imagines? J'ai toujours mon survêt et ma chaîne. Je suis jeune tranquille, je fume le shit. J'suis ce mec qui croit plus en son horoscope. J'suis ce mec normal qui te fait un sort. En live sur Periscope, j'roule dans Marseille dans les ruelles à 200. Désolé, j'suis arrivé dans le game en contre-sens. J'aime ma vie, mamie fait le sang. J'vais tout niquer cette année, ouais, j'ai le sang. Ils sont pleins de ci, ils sont pleins de ça. J'veux remplir Bercy, ma team, ils attendent de ça. Là, j'm'amuse. MC Stop, j'fais mon sang en live de Periscope. Qui veut test, Jules se baisse. Tu me soutiens, merci. Trop grave, j'ai versé, tu le sens dans mes versets. Ouais, la guerre, c'est. J'ai tassé trop du cul, j'ai pas su se frapper les vieux et même les gosses. Fais le signe, Jules, fais la pause. J'serai pour les checks, j'défends ma cause. Si tu crois que j'ai changé, y'a bêtose. J'aimerais voir la vie en rose, rose. On se calcule plus, t'étais mon brother, brother. Tu m'ignores quand on se croise, croise. Pour moi, tu ne vaux plus grand chose, chose. Tu veux tout niquer, t'es pas le seul. J'vis la nuit, j'dors quand y'a le sun. J'lève l'été, match pied sur la selle. J'trouve la haine à la Vincent Cassel. J'représente tous les tchèques de Marseille. De Lyon jusqu'à Sarcelles. Il me faut une John Lennon, Ray qui marcelle. Dis-leur que j'marche seul avec mon flot de martien. Il me fait le voyeur avec ses mocassins. Il va se prendre un chassé dans le bassin. Les mecs lui sortent plein de baratins. Elle se respecte plus, elle fait la catin. Comment j'vais vivre, j'y pense tous les matins. J'veux la santé, la belle vie pour chacun. Avec le sang, j'évade tout mon chagrin. J'suis dégoûté aux gens, ils ont pris mes empreintes. Dédicace à la team Djoulo. Là, j'm'amuse. MC Stop, j'fais mon sang en live de Periscope. J'fais les trous, ouais. Qui veut test, Djoulo se baisse. Là, j'm'amuse. Tu me soutiens, merci. Trop grave, j'ai versé, tu le sens dans mes versets. J'fais les trous, ouais. Ouais, la guerre, c'est. J'ai tassé trop du cul, j'ai pas su ça percer. quand tu seras plus bactère. Qui va te relever quand tu seras par terre. Je remercie le bon Dieu d'être là, je remercie ma mère. J'en ai vu de toutes les couleurs dans ce monde amer. Trop d'inspi, trop de dream, trop n'y arrive pas. Trop de trim, j'aime les señoritas. En jogging, ouais la rap c'est vital. Je viens dream, ferme ta gueule tu déconnes. Là je ris pas, s'il te plaît la blonde à côté de moi. La grippe pas, et les civils à côté le feu ne le grille pas. Ça sent le feu c'est chaud mes frères, je m'agite pas. Là je m'amuse, MC stop. Je fais mon sang en live de Periscope. J'fais les trous. Qui veut test, Jules the best. Tu me soutiens, merci. Trop de larmes j'ai versé, tu le sens dans mes versets. J'fais les trous, la guerre c'est. J'ai tassé trop du cul, j'ai pas sucé pour percer. Jules dans la nocturne 100% rap français en live de Periscope. Il y a encore plein de sons qui arrivent, hein. Il y a du son de Sam's, de Brave avec Tiers-Monde. Nekfeu, c'était l'actu aussi avec les victoires de la musique. Nekfeu, on l'écoutera avec Kondo et puis un morceau de son album aussi. Ice MC avec Volteface, les frères Lumière. Et Mirac, on va rester dans le sud maintenant. Mirac avec Vizi, c'est dans la nocturne 100% rap français. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Academy. Je ne suis pas né pour pleurer, moral de gagnant comme mon père. Tu me prenais pour qui petite mère. Tu parles mais tu n'es pas de taille. M'oreille dans la vie tout se paye. Tu m'en fais du mal, repose en paix. Ma folie prend le dessus, voilà faut me laisser. Je t'ai dit que je n'étais pas né pour pleurer. Problème dans ma tête. Je me triche. Je gagnais de l'oseille des millions. Des millions. Je me triche. Non, ce sera pas fait. Avec du bif, je serai mignon. Je serai mignon. Pas de problème dans ma tête. Je vais gagner de l'oseille des millions. Des millions, des millions, des millions, des millions. Non, ce sera pas fait. Avec des bifs, je serai mignon. Je serai mignon, des millions, des millions, des millions, des millions. Tu gagnes ou tu perds, dis-toi que c'est le million ou la gamelle. Car chez nous y'a que sur France 3 à 20h10 que la vie est plus belle. On n'aime pas trop la solitude, c'est pour ça qu'on parle avec une bouteille. Et si j'ai perdu le goût de la vie, c'est que j'ai pris le goût de l'oseille. Les jours, les mois, les clients passaient des filles devant moi comme des mannequins. T'inquiète, j'ai d'autres voyages et je te jure, c'est pas le rap à mon gratin. Dans le rap, je suis un Panamera, t'inquiète, Panama verra. Accélération, détermination, à la moindre de mes rats. Quand je paierai, dis-toi que t'es fini. Comme toutes ces petites putes en bikini, tu me regardes passer un Lamborghini. Il disparaît comme Houdini. On veut tous avoir une belle baraque, piscine, gros cigare et un cognac. Mais à trop vouloir la vie de rêve, on risque de tous devenir insomniaques. Je serai mignon, je serai mignon. Trop de problèmes dans ma tête. Tu gagnes, tu perds. Je gagne de l'oseille des millions. Tu gagnes, tu perds. Non, ce ne sera pas fait. Tu gagnes, tu perds. Avec des billes, je serai mignon. Tu gagnes, tu perds. Tu gagnes, tu perds. Tu gagnes, tu perds. Tu gagnes, tu perds.

bombardé par les faux qui gravitent autour de moi comme un satellite, rien de la NASA. Pas la peine d'avoir du clair pour sentir dans la rue, ça pue la demeure comme à Gaza. Fais la part des choses depuis 2000 communément, ramener de la fraîche à la casa. Fallait bien charbonner pour du bif pendant que l'état nous fisse dans ma galaxie, c'est le bazar. Check, c'est la guerre du taulard, c'est le nerf qui nous fait devenir des petits taulards. M'animal les mots valides, pas les potes dans le bar, y'a plus de balles qu'il en faut pour alimenter plus d'un polar. Non, n'écoute pas Nicolas, prestataire de la défaite en passant par le vice. Éprouvé par les putains qui tentent de nous couler sans cesse en foutant des bâtons dans le pisse. La paloma sombre, la pistola et la rosa. La miseria est la ligne de confiance à Tio. En una luz muy lejos de la vida loca. La juventud respira el futuro de los niños. Para él, cuanto para el quieto. Por el hermano víctima de la vida. Para él, cuanto. Phénomène business dans la nocturne, 100% rap français. Planète rap, 100% rap français. Sam's et son nouveau son FFF. Si tous les rêves se réalisaient, la terre serait un énorme terrain de foot. Moi je voulais juste courir sur l'herbe, j'en avais rien à foutre. Des souvenirs frustrants sur sample, flashback sur l'horizon. Poster de Zidane comme exemple, le frérot est en prison. Aucun regret mais disons, que je me voyais dans 10 ans. Enchaîner match sur match, titre sur titre, saison sur saison. Le petit Moussa, rappelez-vous de ce nom. C'est ce qu'on disait aux plus sceptiques quand je jouais à ce nom. Je les faisais pas mentir, promu ligue d'Aquitaine. Ancien stage sélection, j'avais une âme de capitaine. Mais voilà là, sport et école chez moi faisait mon fait ménage. Je faisais le singe, très peu de ménage, j'aurais dû voir venir l'orage. Des recruteurs sont venus pour moi, à cause d'une lettre de renvoi. Daron m'a mis sanction, au Girondin, j'ai pu dire au revoir. Je l'en veux pas pour lui le taf, c'était l'usine ou maçon. J'ai passé l'année à la thèse, mes potes centres de formation. Et loge à Bordeaux, Hasdin à Nancy, m'appelait pour me raconter ses kiffs. Donc je me disais moi aussi, j'y arriverai. Et quels qu'en soient les sacrifices, le but, atteindre mon rêve, l'espoir, un sacrifice de pute en vrai. Le football dans ma tête, matin, le jour, la nuit, les kilos. Mettre à pied pour l'entraînement dans froid ou temps de pluie. Je toitais les City Stade, Air Max dans un état lamentable. Les grands disaient, je croque trop la balle, mais je gardais la mentale. Une rage sortie de mes entrailles, je pouvais soulever des montagnes. La roue tourne selon le sens du vent, dur quand t'as pas d'éventail. Petit footix devient racaille sous le bloc, rabat des yan-yan. Parce que frustré que son club le bloque pour un essai à Lorient. Pas une excuse mais bon, à un moment ça fait chier. J'ai pas à faire l'excu, je sais que je suis bon, pas besoin de m'afficher. Je suis peut-être impatient ou un petit peu en flip car le temps passe. Car si la jeunesse a ses règles, ce qui vient après n'est pas tant pax, frangin. Vient la période du bis, des plaques de sang. On vient me parler de l'étranger et je commence à y songer. Le frérot est sorti, mes potos sont à l'ombre. J'étais jeune pouf, je deviens orti. Faut que change de cap, me barre à Londres, direct. Un sac de foot, une petite valise, un peu d'argent. Un faux ami m'avait branché, un faux agent. Sur le moment, moi je calcule pas. Dans ma tête, je suis dans un film. Les clubs anglais, les stades, les fans. De réussir, je suis qu'à un fil, une chance infime. De montrer ce que je vaux. Un nain dans une course de chevaux. Devenu étalon, grâce au talent. Un crack du ballon, blanc en première ligue. Enchaîne les buts, c'était pas trop tôt les mecs. On compare à Henry, à Nel Cap. Puis à Scoutfield de Domenech. Tu te doutes bien que c'était dans le rêve. T'es là, remuer la nuque. C'est que forcément rien ne s'est passé. L'agent me l'a bien mise dans le huc. Je connaissais pas la langue. Un club division 2 voulait me prendre. Il durait à la langue. Ils m'ont dit rentre. J'avais envie de me pendre. Quant à l'agent, il a disparu. Mais nique, pas moyen de rentrer. Je galère en opère de Genève. Dors dans des entrées. En crise en plein décembre. Cette histoire est indécente. Mais je garde la foi comme un phénix. Je fais renaître de mes cendres. Je rebondis dans un petit club. La poisse revient me toiser. Sur un match, je me fais boiser. Et là je me fais les croisés. Je rentre en France, morale réduit à néant. J'étais parti faire le grand saut, place topée dans mon élan. Le temps ne guérit pas les douleurs. Il

Un nouveau jour se lève sur le rap game. À des années-lumière. Adal. On écrit des classiques. Le son sort de l'hôpital psychiatrique. Déranger un pote qui se fait sucer, c'est ça partir au casse-pied. On sort d'école de la street. Si tu m'aimes pas, nique ta tante. Toi tu veux niquer ma carrière? D'accord, va dans la file d'attente. J'en prends pas qu'un seul, j'en prends 50. Tu vois pas plus loin que ton nombril. En vrai j'ai géré tellement de beurettes que si je veux je prends des parts chez Pamprime. J'ai grandi avec des vrais sauvages. Je te laisse crever, je prends pas de cours de sauvetage. Je préfère payer un verre à ma meuf que de me faire michto par une grosse tasse. J'ai rappé des années, j't'ai kické, est-ce que tu t'en souviens? Tu pourrais me trahir pour une poitrine, ma bite dans ta gorge cherche de soutien. J'achète, je veux pas savoir c'est combien. Mon cœur est posté dans les grades. Sache que si c'est pas du Louboutin, ici va personne prend tes pattes. Non. Tu veux viser la lune, tiens la fusée, dégage, on veut plus voir ta gueule. J'serai solo dans mon linceul, fais que la musique, veux pas de la carrière à Michael. Un frère moitié te traite, je vais tirer sur tout le monde, mettez-vous à couvert. Tu mets des cadenas sur Insta, on sait tous que t'as lâché les couverts. Je m'en fous de ce que les gens disent. C'est pas l'argent qui rend riche. Ton label te mène à la baguette. Tiens ta sassem, va t'acheter un sandwich. Mes frères m'appellent du car plein, me demandent des nouvelles. Ma plume a pris du Viagra, je vais baiser tout le game. Saitama. J'ai jamais voulu poser mon glaive. L'insecte mieux que toi se nourrit du fruit. La vendeuse est grave bonne, je m'en fous du prix. Ta jalousie veut me charcler jusqu'à ce que j'en crève. Corner, je me sens seul dans ma nébuleuse guerrier jusqu'au linceul. Idée ténébreuse, berbère, instinct chasseur en pente périlleuse. Je veux pas la main de ta sœur, la montre religieuse. La gazeuse dit Guten Tag. Le désert, tigle dit Chius. Un feeder zen, ma pétaille c'est délicieux. Bois dans mon sipini juice, n'a rien dans le zen. Il se précipite en sortant son arme à feu, la dirigeant vers la caisse. Mais le butin n'est pas la man down. Faire du bif, telle est la devise, la vie de riche. On se fait péter pour train de vie car on aime les Maybach. Zion, Nico, tu débites pour la dernière paire de Zano. Trouve un véritable but dans la vie. N'écoute pas rire les hyènes et rugis comme un lion. Bâtis ton royaume. Tous les rêves conservent leur arôme. Rome ne s'est pas faite en un jour. Pour l'instant, je suis dans le four, les bacs ma rose. Big, l'MCY, be my ho. On me connaît de Marseille jusqu'à Placide. Crois-moi, j'ai pas changé mes principes. Le rap peut changer ton cœur en pierre et peut te faire baiser femme en plastique. Pourquoi ma meuf me sort des prétextes? Tu sais, ma chérie, moi je te déteste. Elle me dit qu'elle a la main sur le cœur, mais tout ce que je vois, c'est ma main sur ses fesses. J'ai peur de faire du mal aux gens qui m'aiment. J'ai peur de faire du mal aux gens qui m'aiment. Dis-moi comment je peux faire confiance aux femmes quand tu sais qu'elles peuvent faire le coup de l'hymen. Je suis déçu du game. 2016, ils savent tout chanter mais pas rapper. J'fais de l'UFC, toi du karaté. Si tu me vises, tu ferais mieux de pas rater. Adal, on vient niquer des carrières. Les MC sont mal, sont sous pression. J'ai la queue tellement grosse quand j'ai la barre que ma meuf essaye d'y faire des tractions. C'est moi qui fume la prod, c'est pas l'inverse. Là, on parle d'un tonnerre contre une averse. Mon flow tourne de clichés jusqu'à Barbès. Le péché d'un homme, c'est dans la cuisine. Bernard Loiseau, j'ai trempé le calame dans le damoiseau. J'suis dans ma zone, tu nous demandes en freestyle, sadomaso. J'ai soulevé des cofios, le rap en autoprod, la weed en autoflow. J'ai appris chez les proxos, j'aimerais te dire que je t'aime, mais c'est mon son faux. Bitch, bitch, bitch, bitch. Classe S, Asba 30 kilos de S. Melek, coup de crosse si tu protestes. Mes négros sont positifs, allez, kilo test. Laisse une équimose blesse, ça blesse. Arrête de faire la malade, je vais te bousiller dans le Benz. Ici, bas, c'est contre le mur qu'on te berce. Pas de coupe dans la taille, pas de tabac dans le perse. On a chargé nos tests. Au cœur de la test, c'est dans le clap de la caisse. Au cœur de l'utesse, t'as peur de nous test. On est courte l'orchestre et le quartier la test. Adal, c'est la West. Merci à tous ceux qui nous ont toujours soutenus, de loin comme de près, à des années-lumière. Le 25 mars. Planète Rap, 100% Explicit Lyrics. Toujours au quartier, mais je me fais secret au quartier. Les frérots que je porte dans mon cœur, je ne les aime pas qu'à moitié. Très jeune, j'ai fait briller la scie. Sorti, j'ai su refermer la assez. Me refaire pour me remettre le bracelet. 93 à récidive du hustler. Les fils de pute me portent leur attention. Ils pensent à moi comme si j'ai pris des millions. Le week-end, je vais pas 5 balles dans une location. C'est pour les arrivistes qui cherchent l'admiration. Appuie sur la pédale, accélération. À chaque action, j'ai une mauvaise réaction. Devant un tas de bifetons, j'ai des palpitations. Des poils copies de moi dans vos compilations. En ce moment que des arrestations. Au quartier c'est mort, y'a plus d'animation. Moi je n'aime rien de toi sauf ta fellation. On